Tous ces prénoms de filles vont encore te faire pâlir, connasse. Tu diras que ce disque ne te plaît pas car il te rend triste, connasse. Et moi je rêverais que tu rencontres un enculé, un vrai baiseur beau gosse qui te montrerait de force ce que c'est qu'être triste et pas seulement pour un disque, connasse.